Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Panique et je vous souhaite la bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Pour celles qui découvriraient l'émission, sachez qu'il y a toute une première saison entièrement dédiée au drag à découvrir en podcast sur toutes vos plateformes habituelles. Après cette première saison, j'ai décidé d'élargir le spectre pour m'intéresser à tous ces arts de la scène queer qui ont moins le vent en poupe en ce moment, mais qui sont aussi merveilleux et foisonnants de freakiness que le drag. Dans cette saison, on parlera danse, chant, stand-up, pole, roller. Le programme est trop vaste pour l'énumérer, il faudra le vivre. Vous l'avez peut-être remarqué, Freaks et Merveilles est dorénavant une émission diffusée deux samedis par mois à 19h en direct, ou presque, sur Radio Panique. Mais ne paniquez pas, les épisodes resteront disponibles sur vos plateformes de podcast favorites. Ils seront mis en ligne le lundi suivant la diffusion radio, pour garder un goût de primeur aux fidèles des ondes FM. Avis aux amateurices. Merci pour votre fidélité jusque-là, et restez à bord. L'aventure Freaks et Merveilles ne fait que commencer. Et en parlant de commencer, ça aurait été dur de débuter cette deuxième saison sans inviter la personne qui dirige le Sassy Cabaret, un haut lieu du cabaret queer bruxellois. Performeuse burlesque, poleuse, MC, gérante de cabaret, plus récemment drag king, Lily Mire et moi est beaucoup de choses. Elle est aussi mère, femme, hors des standards de beauté qui corsettent encore le cabaret queer et ses actrices. Bref, elle est à bien des marges. Son bébé, le Sassy Cabaret, fête cette année ses 10 ans. Bon anniversaire à lui. Rendez-vous le 16 novembre au Théâtre 140 pour fêter ça. C'est un plaisir et un honneur d'entamer cette deuxième saison en recevant Lily Mire et moi. Bonjour Lily. Alors, on va commencer par le Sassy Cabaret justement. Le Sassy Cabaret fête ses 10 ans maintenant. Comment c'est né le Sassy ? Le Sassy, c'est né d'une opportunité. Moi, je faisais du burlesque dans un collectif qui s'appelait Show Me, qui n'était pas du tout un collectif queer ou déconstruit. Enfin, à l'époque, on était très loin de ces questions-là. On a eu une résidence à Los Samuel. Et puis moi, j'ai décidé de quitter le collectif. Et à ce moment-là, Samuel Bernard de Los Samuel m'a dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien avoir un truc cabaret qui ne soit pas que burlesque. Est-ce que ça t'intéresse de le faire ?» Et c'est vrai que moi, je fréquentais déjà pas mal de circassiens ou circassiennes, de gens du stand-up, de personnes du slam, de personnes drag queen, parce qu'à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas de drag king. Et du coup, oui, j'avais très envie de mettre toutes ces personnes sur scène. Et voilà, on a commencé. Et très vite, pour moi, c'était important d'être inclusive. Mais je crois que je ne savais pas vraiment c'était quoi l'inclusivité. Je savais juste que je ne voulais pas que ça soit que du burlesque, que je ne voulais pas que des corps normés et que je ne voulais pas que des personnes cis. Donc, assez vite, j'ai travaillé avec des drag queens parce que pour moi, c'était une source d'inspiration aussi en tant que performeuse burlesque. Et du coup, ça me semblait une évidence. Mais je crois que je n'avais pas de conscience politique encore. Et du coup, est-ce que tu as eu une volonté d'aller voir un peu hors des cercles que tu fréquentais d'habitude pour aller recruter des personnes qui, justement, ne correspondaient pas aux standards de beauté et correspondaient à une certaine diversité comme tu pouvais te la représenter à l'époque? Ou est-ce que, en fait, dans les personnes que tu fréquentais, il y avait déjà... Tu as un peu appelé les copaines et que... Je fréquentais déjà. Enfin, moi, je fréquentais déjà plein de gens différents, en fait. Plein de personnes. Je crois que c'est pour ça aussi que le Sassy est né de suite comme ça. Parce qu'en fait... Il est à l'image de la vie que j'ai toujours menée. J'avais des copaines, je traînais avec aussi des personnes plus âgées que moi, des personnes plus grosses, plus minces. Et du coup, l'inclusivité, pour moi, c'était ça. Dès le départ, c'était de mettre la diversité de ma vie, entre guillemets, sur la scène. Ok, et donc au début, c'était un peu une espèce de concept de scène cabaret, une fois de temps en temps à Los Amoal, et puis ça a grandi et ça a fidélisé son public. Oui, c'est ça, on a un peu commencé en tâtonnant. Je me rappelle que les premières éditions, ça s'appelait le cabaret de Los Amoal. Et moi, à la base, je n'ai pas du tout de formation d'organisatrice ou... J'aime bien porter des projets, je l'ai toujours fait dans ma vie, parce que j'ai fait beaucoup de... Enfin, j'ai fait de la mise en scène ou de la chorégraphie, mais voilà, je ne savais pas bien. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à se dessiner une identité qui s'est vraiment affirmée aussi au fur et à mesure des années. En fait, le Sassy a grandi comme moi j'ai grandi. Et par contre, ouais, on a un public qui nous a suivis très vite, mais qui a aussi changé par période. Ok. Et parce que maintenant, le Sassy Cabaret n'est pas que à Los Amuel. Vous vous exportez aussi dans d'autres scènes. Mais tu as une volonté de garder un ancrage à Los Amuel, de garder un ancrage à cet endroit-là? Il y a plein de choses. En fait, moi, je suis quelqu'un de très, très fidèle. Et c'est vrai que Los Amuel m'a vraiment donné une opportunité. Et c'était pas acquis, parce que c'était pas du tout un lieu, c'est pas un lieu queer, c'était pas un lieu de grande militance non plus. Et donc Sam, il a pris un risque et puis il se prend des baffes de temps en temps. Et il est OK, en fait, de s'en prendre aussi. Et pour moi, j'ai toujours vu le Sassy comme un lieu, je mets des guillemets parce que c'est un peu prétentieux, mais d'éducation. Moi, je suis d'accord d'aller me confronter à des publics qui ne sont pas des publics politisés ou des publics queer ou ouverts aussi sur la cause de la question ethnique ou de la diversité culturelle, et d'aller éduquer ces personnes-là. Et du coup, le Samuel, c'est ça. On a un vrai public qui se mélange avec des choses qui parfois heurtent ou ne marchent pas. Mais j'adore, on a Suzy qui nous suit depuis 10 ans, elle a 65 ans passés, elle vient pomponner comme jamais avec sa pote au premier rang. Et Suzy, elle voit tout. Elle voit la baraque à King quand ils elles viennent, elle voit le Sassy et parfois Séverine Bellini qui fait de la contorsion nue. Et elle est toujours là, ah oui ça j'ai aimé, t'avais une très belle robe aussi hein. Et c'est ça, pour moi, c'est ça aussi, le Sassy. Et c'est vrai qu'on a joué ailleurs assez vite. On a joué au Crazy Circle, en fait, à l'époque. D'accord. Il y a longtemps, on faisait des shows au Crazy. Et donc, il y a toujours eu cette envie que le Sassy ne soit pas enfermé quelque part. On a notre petit nid, la maison. Mais le Sassy, c'est un concept. Et on va apporter ce qu'on est là où on nous invite. Et ça, c'est super important. Et parfois, on fait des trucs corporate hyper cis-hétéronormés, boring. But ça paye. Du coup, c'est ça aussi, le Sassy. Super. Et alors, avant de revenir sur justement le fonctionnement du Sassy et ta place, en tout cas, moi, j'identifie un peu comme chef de troupe et organisatrice au sein du Sassy. Tu parlais justement de la question de l'éducation, de la sensibilité aux questions militantes, aux questions de diversité, etc. Et qu'il y a 10 ans, t'étais clairement pas au même endroit que t'es maintenant, etc. Comment on fait ce chemin tout en dirigeant une troupe, tout en faisant des shows? Est-ce que t'as des moments de retour avec tes artistes ou avec du public après? Est-ce que toi-même, tu te renseignes sur le côté spécifiquement pour ça? Comment tu gères cet aspect-là des choses? Alors, je pense que d'abord, moi-même, dans ma vie, il y a des choses que j'ai acceptées de moi. J'ai rencontré plein de personnes aussi qui m'ont complètement ouvert l'esprit. Quand moi, j'ai commencé le burlesque, les hommes étaient très hommes, les femmes très femmes, et on jouait bien notre petit rôle. Et même moi, j'étais à un endroit où j'avais besoin d'être validée dans ma beauté, parce que justement, j'avais un corps non normé, et j'avais besoin qu'on me dise que j'étais une belle femme. Et voilà, Et c'était très important, et on jouait vraiment sur ces codes-là, de la pin-up, de machin. Je crois que j'avais jamais entendu le mot queer. Alors, je connaissais gay et lesbienne, bi aussi, mais ça parlait surtout pas de moi. Je dis souvent déjà que j'avais un corps non normé, que j'étais dyslexique, dyscalculique, hypersensible, avec un trouble de l'attention. J'allais pas en plus être bisexuelle. Il fallait que je choisisse. Donc tout ça, enfin voilà, au départ, ouais, je savais un peu, mais et je crois que c'est vraiment au fil de mes rencontres. J'ai beaucoup travaillé avec Camille Pierre, qui est vraiment une personne qui m'a appris beaucoup. Je suis très reconnaissante de plein de rencontres Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir travaillé avec la Baraka King, d'avoir les pots de minuit, d'avoir des retours aussi, et parfois des retours pas agréables. Je me souviens qu'on avait fait un Sassy Pride. Donc, déjà, voilà, le Sassy venait prendre position clairement sur sa queerness. Et à l'époque, on avait une drag queen qui présentait et qui a fait des blagues pas du tout OK. Et on s'est fait vraiment rentrer dedans sur les réseaux sociaux. Ça a été très difficile. Et moi, j'ai essayé de... Ça aurait resté il y a longtemps, je vous le jure. j'ai essayé de défendre, en fait, maladroitement. Un peu genre, mais non, mais vous ne comprenez pas, c'est des blagues. Et on m'a dit, ben non. En fait, si la victime d'une blague ne rigole pas, c'est que ce n'est pas une blague. Et du coup, c'était dur. Et en fait, c'est des choses comme ça aussi. Moi, il y a un truc chez moi qui est, je veux qu'on puisse faire des erreurs. Par contre, tu l'as fait une fois, ton erreur. Si tu la répètes, ça devient de la connerie. Et moi, j'ai fait plein d'erreurs. Et peut-être que j'en ferai encore plein, parce que je pense qu'on n'est jamais complètement déconstruite, que c'est un processus, en fait, et que c'est bien de parler de déconstruction, mais il faut parler de reconstruction derrière. Et comment est-ce qu'on se reconstruit quand on doit un peu tout casser, quoi. Et du coup, voilà, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai appris de tout ça, parfois dans la douleur. Tu enfanteras ta déconstruction dans la douleur. Amen. Et oui, en plus, la dynamique des réseaux sociaux, ça encourage à une réaction à chaud, une réaction dans le vif, et parfois sans se rendre compte de ce que ça peut impliquer de l'autre côté, plutôt que de chercher un dialogue construit. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu des commentaires très vigoureux et malheureux suite à une mauvaise expérience que j'avais vécue au Sassy, et sans me dire après, en fait, ça aurait sans doute été plus malin de t'envoyer un message personnel ou bien de t'en parler au détour d'un couloir ou quoi. Ça aussi, ce rapport aux réseaux sociaux qui reste quand même un sacré moyen de com pour nos arts queer et d'autres arts aussi, mais en tout cas pour les arts queer, pour faire notre publicité, pour qu'on soit visible, etc. Faut aussi t'improviser gérante, enfin community manager, comme on dit. Ouais, ça c'est une difficulté. C'est toi qui gères le réseau du Sassy. C'est moi et on a des coups de main. Parce que aujourd'hui, le Sassy, il tient aussi la route grâce à Evita Demi, et ça, je tiens vraiment à le dire, qui est là depuis 9 ans et qui est, au fur et à mesure du temps, a pris de plus en plus de place. Aujourd'hui, elle est quand même présidente de notre ASBL, et Evita, elle est le côté rationnel aussi, et c'est très bien. Vraiment, il y a plein de choses qui n'existeraient pas au Sassy si j'avais pas quelqu'un comme Evita, parce que moi, je fais de la phobie administrative déjà. Donc voilà, après, il y a une réalité. Alors, je vais faire la vieille tantie, mais moi, je vais avoir 40 ans. Je suis pas née avec les réseaux sociaux. J'ai pas mon adolescence, enfin... On avait le chat de Caramel qui fonctionnait une fois tous les 10 ans et on était contents, quoi, vraiment. Du coup, quand on a commencé le Sassy, nous, on interdisait les téléphones, en fait, dans la salle. Parce que ça nous semblait, on est un spectacle, il y a des personnes qui potentiellement se déshabillent. C'est un privilège d'être là, on ne va pas faire... Et puis bon, à un moment, on a quand même réalisé qu'en fait, c'était de la com' gratuite. Donc, OK, faites vos stories, mais avec le risque que tu ne maîtrises pas non plus tout ce qui est dit, vu. Du coup, il y a eu quand même, un moment, Mathilde aussi, qui est venue nous aider à gérer un peu notre communication, faire qu'elle soit un peu plus proactive, parce que nous, on était là genre, on va communiquer. Comment ? De toute façon, on remplissait, on était un peu là, on communique sur les gros événements et... donc voilà, Mathilde est venue nous aider à un moment, parce que la question du Sassy aussi, c'est que on n'a pas d'argent, on n'est pas subventionné, donc on n'a pas les moyens de rémunérer, de donner des salaires aux gens pour avoir vraiment un team com, une team prod. Donc on fait et en même temps, je sais que ça a valu beaucoup de critiques au Sassy, ce côté un peu bonne franquette, do it yourself. Mais moi, je ne suis pas une femme d'entreprise. Ce n'est pas mon but. Moi, je suis une punk à chien sans chien. Mais je viens vraiment d'un milieu associatif et collectif. Et le SACI, il est né comme ça. Venez, on fait un truc ensemble. Ok, je chapeaute le projet, mais t'as une idée, une compétence, viens. Et c'est pas... L'idée n'a jamais été de pomper les gens, mais plutôt de faire grandir un truc ensemble. Après, dans une société où il faut manger, machin, ça pose plein de questions et j'ai aussi appris là-dessus. Mais voilà, le SACI, il fonctionne comme ça, de coup de main en coup de patte, de petites rémunérations à grosses quand on peut, et puis on grandit, quoi. Et justement, en parlant de l'organisation de ce collectif, en tout cas, de l'extérieur, moi, j'ai le sentiment que le SACI, c'est un peu une troupe, où il y a vraiment des artistes récurrents qui sont là à chaque fois, que de temps en temps, vous ouvrez à d'autres choses. Mais du coup, justement, en interne pour du vrai, comment ça se passe ? Moi, j'ai eu très envie que le SACI soit une troupe. Et tu mets le doigt sur quelque chose qui est difficile parfois. Moi, j'ai eu très envie que le SACI soit une troupe. Mais je pense que c'est difficile d'être un projet collectif quand il ne naît pas collectivement. Déjà, quand il naît collectivement, c'est compliqué, parce que tout le monde n'a pas le même temps, les mêmes envies, les mêmes... Mais quand il ne naît pas collectivement et que tu fais venir les gens après en leur disant « Hé, tout d'un coup, on va faire un truc, on va travailler à l'horizontale et... ça ne marche pas, en fait. Vraiment, de mon expérience, ça ne marche pas. J'ai essayé, mais... du coup, je dirais qu'aujourd'hui, le SACI, c'est un monstre un peu à deux têtes. Il y a moi, sur toute la partie DA, etc. Il y a Evita. Et puis... plus pour le côté administratif, gestion, ouais, et puis, etc. Et puis, on discute quand même beaucoup de cohérence. Enfin, voilà, je suis décisionnaire finale sur plein de choses au niveau artistique, mais... mais je la consulte beaucoup. Evita, par exemple, c'est elle qui a le temps d'aller à des festivals burlesques et repérer des nouvelles personnes. Moi, je vais plus voir justement les cabarets queer et tout ça. Et puis, en dessous de ça, il y a effectivement un noyau dur. Je ne dirais pas que c'est une troupe, c'est un noyau dur d'artistes avec qui j'ai l'habitude de travailler et avec qui je sais que, notamment sur tous les projets hors de l'Os à Moelle, qui sont du coup parfois un peu plus inconfortables, ou un peu plus risqué, je sais que j'ai ces personnes-là avec qui, voilà, je connais leur fonctionnement, leurs limites et tout ça. Et puis, il y a l'Os à Moelle où là, on fait venir plein de gens. Alors, il y a parfois les réguliers, on va dire, mais voilà, plein de gens. Et puis aussi, selon les endroits où on va, j'ouvre. Voilà, on essaye de faire une scène ouverte parce qu'en fait... moi, je ne voulais pas faire de scène ouverte. Je trouvais que c'était compliqué. Comment est-ce que tu rémunères pas les gens? Mais à l'époque, en fait, il n'y en avait pas. Il n'y avait plus personne qui faisait ça. Et donc, on avait décidé au SACI d'ouvrir et d'inviter une performeuse par SACI. Une personne qui voulait tester quelque chose dans un cadre professionnel, en fait. Et donc, l'idée, c'est que les autres artistes professionnels qui soient là soient aussi dans l'échange, le partage. Cette scène n'était pas rémunérée parce qu'on n'avait pas les moyens, en fait, en termes de budget, de mettre... Mais voilà. Par contre, comme je ne peux pas rémunérer les scènes ouvertes, moi, je ne vais jamais chercher les gens. Bon, très, très peu. Parfois, mes élèves, mais... Je préfère que les gens viennent et comme ça, il n'y a pas de... Je ne te demande pas une faveur, en fait. Ouais. C'est j'ouvre une porte. Et si personne ne la prend, c'est OK aussi, en fait. Et peut-être qu'il n'y en a plus besoin aujourd'hui parce qu'il y a d'autres opportunités et c'est trop cool. Oui, bah après, en tout cas, de ce que j'ai pu vivre en interne, il y a un sacré bouchon au niveau du nombre de personnes qui, en tout cas, se lancent dans les arts queer, notamment le drag, mais aussi la pole, aussi le burlesque, etc. Et donc, il y a un manque de scène en général. Mais oui, et puis je comprends que toi, sur le... De manière générale, pourquoi est-ce que tu fonctionnes vraiment avec un noyau dur ? Parce que tu sais que c'est des gens avec qui ça roule bien, avec qui ça va être facile de travailler, avec qui il ne va pas y avoir de prise de tête, quoi, concrètement. Ça, mais aussi, c'est une façon pour moi de prendre soin des gens. par exemple, quelqu'un que je ne connais pas, Allo Samuel, je peux lui garantir, entre guillemets, un safer place. Mm-hmm. Parce que je connais très bien la maison. Mais si tu sors de chez toi et que tu prends quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Et on a déjà eu aux assises des trucs pas chouettes, avec des régisseurs, avec... Parce que c'est les aléas, en fait. Tu vas ailleurs et donc tu dois dealer avec des nouveaux espaces, des nouveaux êtres humains qui parfois ne sont pas déconstruits, même si tu viens leur expliquer plein de trucs qui sont là. Oui, oui. Et en fait, non. Et donc, pour moi, c'est une façon... voilà. Mais j'ai aussi appris de mes erreurs de nouveau. Et aujourd'hui, si par exemple, je sors de l'os à moelle, je vais dire voilà ce que je peux vous garantir, voilà ce que je mets en place. Le reste appartient à l'être humain. Est-ce que c'est OK ou pas? Mais ça... Oui, on a fait des erreurs qui ont été douloureuses. Oui, c'est effectivement aussi comme ça qu'on apprend. Et puis, ça fait 10 ans que le SACI continue à vivre et à bien vivre. Oui. Donc, c'est que ça fonctionne comme ça. Alors, on va passer à un petit peu plus toi, Lily Mire et moi, dans tes compétences et ta vie de performeuse en tant que telle, mais justement pour introduire cette partie-là, est-ce qu'il y a une musique que tu voudrais qu'on passe? Parce que maintenant qu'on passe sur Radio Panique, on a le droit de passer des morceaux en entier, et on va en profiter pour un peu aérer ce studio où on se transforme petit à petit en flaque. Est-ce qu'il y a un morceau sur lequel tu performes ou un morceau qui t'inspire que tu voudrais qu'on passe pour un peu introduire cette partie-là? Ouais, je vais faire un truc drôle. Pour moi, je dis toujours à mes élèves de burlesque qu'il y a des chansons interdites parce que trop obvious. Ouais. Et puis parfois, il y a aussi des chansons qu'on aime bien qui sont des chansons problématiques, mais elles sonnent bien à l'oreille. Mais tu sais que tu ne vas pas faire un truc parce que vraiment, ça ne va pas le faire. Du coup, je pense que la chanson pour moi interdite aujourd'hui et sur laquelle évidemment j'ai fait un numéro quand j'ai commencé, c'est Why Don't You Do Right? Très bien, de Peggy Lee. Oui, et ça c'est la version de Peggy Lee, mais sinon en fait il y a la version de Jessica Rabbit. Ah, tu veux la version de Jessica Rabbit? Voilà, et c'est celle-là qui tout le monde à l'époque où j'ai commencé voulait performer dessus. Donc c'est la chanson interdite, mais qu'on aime trop. Eh ben, on écoute Why Don't You Do Right par Jessica Rabbit et on se retrouve juste après. Some other men do. Get out of here. Give me some money too. You're sitting down. Thank you. Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez Freaks et Merveilles. Et nous revoici après effectivement cette belle tête de gondole, comme on disait nous au conservatoire. Ce morceau que tout le monde veut faire et que tout le monde, dont tout le monde rêve, mais qui est tellement évident. Et donc ça, c'était un de tes premiers morceaux, un de tes premiers numéros sur lesquels t'as performé. Oui, moi quand j'étais petite, je voulais être sorcière ou Jessica Rabbit. Et un peu Sissi l'impératrice aussi, puisque j'aimais bien ses cheveux et ses costumes. Et du coup, bah forcément, quand j'ai commencé le burlesque, je ne suis pas allée chercher très loin. Donc en fait, mon numéro commençait, je faisais Jessica Rabbit, sans perruque, hein, parce que je ne comprenais pas comment perruque, pourquoi faire. Mais j'étais rousse à l'époque. Et tu avais une robe rouge brillante. Évidemment. Évidemment. Et puis, ça changeait. J'étais sur une musique des Andrews Sisters. Et j'avais un vrai body vintage. Et ensuite, je me mettais en infirmière, mais pas infirmière cochonne. Je mettais des crocs et je mangeais un sandwich. Ouais. C'était quand même un peu moins obvious que juste faire Jessica Rabbit. Ouais, tu en avais quand même fait un petit peu un montage, quoi. Oui, oui. Et ça, c'était quand, tes premiers pas sur scène ? Ça doit faire presque 11 ou 12 ans. Je suis mauvaise sur la chronologie. Et parce que t'avais pris des cours de burlesque, etc. avant, et puis finalement, c'était un peu la présentation d'école ou bien pas du tout ? Ah non, pas du tout. En fait, moi, j'ai fait mes secondaires en théâtre. Donc, j'ai toujours fait beaucoup de théâtre, beaucoup de stages, de machin. Et puis après, je suis allée faire une université en danse contemporaine au Brésil. Oh, wow. Où j'ai fait une espèce de spécialisation sur les danses afrodescendantes, puisque je faisais déjà des danses mandingues, donc des danses d'Afrique de l'Ouest. Oui, je sais, l'appropriation culturelle, c'est un long débat. Et donc, j'avais déjà, je pense, une formation artistique. Et en fait, quand je suis rentrée après le Brésil, je suis allée vivre au Burkina Faso, où j'ai dansé et mis en scène là-bas. Et quand je suis rentrée en Belgique et que j'ai commencé à faire des auditions de danse, en fait, ça ne marchait pas. J'avais une formation très forte en danse, entre guillemets, je déteste ce terme-là, mais africaine, sans lettres, donc ça ne marchait pas. Mm-hmm. J'avais une formation hip-hop, mais pas de break, donc ça ne marchait pas. En danse contemporaine, je n'étais pas assez virtuose et je n'avais pas le corps d'une blanche qui fait de la danse contemporaine. Pourtant, j'avais une frange, hein, je vous le dis. et je pouvais faire un regard de danseur contemporain flamand. Un peu vide et lointain comme ça. Voilà. Mais ça ne marchait pas. Et du coup, j'ai commencé à me sentir très frustrée. Et à peu près à la même époque, ou un peu avant déjà, j'avais vu la montée des marches de Cannes des actrices et performeuses du film Tournée de Mathieu Almaric. Et je m'étais dit, mais c'est quoi ces nanas qui sont avec des corps pas du tout standardisés, qui viennent à Cannes, qui foutent le bordel avec des espèces de perruques blondes, peroxydées, choucroutes. Et du coup, j'ai commencé à faire plein de recherches et j'ai découvert que c'était du burlesque. Et j'ai fait, ouais, c'est ça que je veux faire. Et quelques temps plus tard, Miss Glitter Painkiller, qui est une performeuse française, est venue à Bruxelles donner un workshop. Et je me suis dit, OK, j'y vais. Et j'ai adoré son workshop. Et en même temps, entre guillemets, j'avais l'impression que c'était facile. Genre, coucou, tu peux cabotiner et en même temps te foutre à poil. What else? Et vraiment, c'était, voilà, il y a un côté, il y avait un côté à l'époque très rock'n'roll aussi. Vraiment, je dis bonne franquette, mais ouais, il y avait un truc comme ça. On n'avait pas des costumes en Swarovski de fou furieux. L'idée, c'est, t'avais un numéro, tu venais et t'envoyais du pâté avec ce que t'étais, quoi. Du coup, je suis allée à Paris faire des scènes ouvertes avec Valentina Delpers. Puis Valentina m'a donné une opportunité de faire un show avec plein de performeuses professionnelles au Virgin Megastore des Champs-Élysées. Ouais, c'était un peu dingue. Ouais. Et puis parallèlement à ça, y a le collectif Show Me qui s'est créé en Belgique. Il y avait Lady Flo qui organisait des trucs, mais c'était plus burlesque classique. Et nous, on voulait le côté. Et puis les choses sont arrivées. Et donc, le Sassy a commencé un peu après, si j'ai bien suivi. C'est ça. Et tiens, j'imagine que ça te prend énormément de temps de gérer le SACI, de mener le SACI, tout l'investissement que tu mets pour que ça fonctionne. Est-ce que tu as quand même aussi le temps de développer des choses sur le côté, d'aller faire d'autres scènes un peu pour le plaisir, etc. Ou le SACI reste quand même toujours la priorité et la source principale dans laquelle tu mets ton énergie et ton investissement? C'est intéressant parce que je suis en pleine crise. Le SACI prend trop de temps. Parce qu'en fait, organiser un SACI, c'est faire du repérage d'artistes, c'est booker les gens, donc toute la communication, c'est toute l'organisation, c'est gérer toutes les annulations de dernière minute pour plein de bonnes raisons. C'est moi, les gens, s'ils ne viennent pas de Belgique, ils dorment à la maison. Donc, déjà, tout ça prend beaucoup de temps. Je donne quand même aussi des cours de danse. J'ai un enfant qui prend du temps. Et donc, c'est beaucoup de choses. J'ai encore un peu de temps pour créer des nouveaux numéros. Mais j'avoue que après 10 ans, je suis un peu dans une crise en me disant, mais non, en fait, je crois que ce n'est pas les 10 ans du SACI, c'est la crise de la quarantaine. Faut arrêter de se mentir. Quel artiste est-ce que je suis? J'ai pas la carrière que j'imaginais parce que je suis aussi qui je suis, que j'ai eu la vie. Enfin voilà, une fois qu'on a un enfant, les choses elles changent aussi un peu la donne, d'abord financièrement et puis en termes de temps. Moi je suis aussi quand même séparée, donc je gère une partie du temps mon enfant toute seule. Ce qui, quand on est artiste, déjà rien que financièrement, c'est hyper compliqué. Et c'est hyper violent parce que trouver un appartement, on se fait refuser beaucoup. Donc tout ça prend beaucoup de place et laisse peu de place finalement à de la création. Pareil, dans le burlesque, on est arrivé, il y a de plus en plus de costumes absolument incroyables, mais en fait, ça coûte du temps, de l'argent, si encore plus si on ne sait pas le faire. Et moi, vraiment, je ne sais pas faire de la couture de mes 10 doigts. D'autres choses, ça va, mais pas la couture. Du coup, c'est tout le temps des choix. Ah, ok, je me fais un costume à 3 000 balles, mais est-ce que je suis sûre d'avoir les contrats derrière? Comment je les paye, les 3 000 euros? Ah oui, bah, tout d'un coup, l'enfant doit se faire opérer des yeux et c'est pas tout à fait remboursé. Bon, bah, en fait, non, on ne fait pas le costume. Et je trouve que, voilà, là, tu m'as tendu une perche que Mais je oui. saisis. Et c'est vrai qu'on ne parle pas, en fait, de cette réalité-là, qui est de la réalité financière du cabaret. Même pour une drague, enfin, une drague, le coût du make-up, mais c'est un truc de dingue. Et donc, quand je vois des gens qui râlent parce qu'on demande des cachets de plus de 200 euros, ben, en fait, vas-y, nous, on a un loyer, on a un truc. Et donc, c'est vrai que j'ai déjà entendu un peu du jugement de « Ah, Lily, t'en es que là dans ta carrière », après 12 ans, t'es pas connue à l'international. Et moi-même, hein, je me suis déjà un peu flagellée. Je suis pas qui je voudrais, surtout en prémenstruel. Je fais ça très bien. Ma vie est ratée. Mais en fait, j'ai fait ce que je pouvais aussi avec qui j'étais, avec toutes mes peurs aussi, tous les. Voilà, quand on est dyslexique, on entend beaucoup dire aussi qu'on n'est pas capable. Et donc, on grandit avec ce « on n'est pas capable ». Et donc, ça tétanise à plein d'endroits. Et voilà, à un moment, je crois qu'il faut aussi accepter qui on est, où on est. Là, j'ai d'autres envies artistiques. J'écris beaucoup. Et donc, j'aimerais bien un jour faire quelque chose de ça. Mais voilà, il faut trouver du temps et arrêter d'avoir peur que ça ne marche pas. Voilà. En parlant de se renouveler et de trouver du temps, depuis, si j'ai bien suivi, à peu près 1 an, de temps en temps, tu deviens Johnny Graffiti, personnage drag king qui a l'air très content d'expliquer la vie aux gens et notamment aux femmes. Justement, c'était un besoin de te lancer un nouveau défi ou bien qu'est-ce qui t'a amené au drag king? Quand le drag king a commencé, j'étais pas fan. Je trouvais que les personnes faisaient des mash-ups de musique et qu'elles mettaient sur scène des mecs qu'on n'aimait déjà pas. Et moi, je faisais vraiment la maline et je me disais, ouais, le jour où je ferai un drag king, moi, je ferai un mec que j'aimerais fréquenter. Non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, quand j'ai fait. Ouais, j'ai eu besoin de faire tous les mecs problématiques que j'ai connus dans ma vie sont condensés en Johnny Graffiti. C'est vous dire s'il est à vomir. Oui, c'était... En fait, c'est venu d'une idée. J'aimais déjà bien l'idée de faire du tracking, mais je n'étais pas tout à fait sûre. Moi, je travaille beaucoup avec Ernesto Coyote. Et du coup, j'aimais vraiment bien ce qu'il apportait au tracking. Et à un moment, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de faire un truc sur la chanson « Seul sur le sable » de Rock Voisine. Mais je ne vais pas le faire en burlesque. Enfin, non. Du coup, bah, ok, je vais le faire en King. Et en fait, à cette époque-là, je faisais des cours de signes, de langue des signes. D'accord. Et du coup, j'ai décidé de signer la chanson. Et c'était très cool. J'ai eu quand même un peu d'aide de Gaëlle qui signe très bien et qui m'a un peu corrigée. Voilà. Et c'était, en fait, ça a été hyper libérateur. Johnny, il peut dire plein de merde. Il peut... Il a quelque chose de touchant, mais de tellement énervant. Genre, non mec, tu n'as pas... T'essayes, on voit bien que t'essayes, mais ça ne marche pas. Je peux du coup aussi explorer tout le côté un peu hip-hop problématique que j'adore. Moi, je suis fan des chansons problématiques, genre Caroline de MC Solar. Moi, je trouvais que c'était le summum du romantisme. Ouais. Jusqu'au moment où tu dis... En fait, non. T'écoutes vraiment les paroles. Mais voilà, là, je prépare un prochain numéro sur Cœur de loup. J'adore. Pareil. j'adore cette chanson. Et, mais voilà, c'est horrible. Et Johnny Graffiti me permet d'aller chercher tout ça et d'aller aussi chercher, entre guillemets, le lait. C'est bon, en fait. J'ai plus besoin d'être validée dans mon corps. Je sais que je peux être belle. Je sais que je peux faire bander, que je peux faire rêver les nanas. Johnny me permet d'aller vraiment chercher la théâtralité, le lait et l'humour. Moi, j'ai un tonton Marcel qui sommeille en moi et qui fait des blagues nulles, quoi. Oui, parce qu'à côté de ça, alors je t'ai vu et j'ai même dû faire à mon tour un numéro mi-effeuillage, mi-chair dance autour d'une séquence assez célèbre de Maïté. Et puis moi, je t'ai vu faire un duo avec la Kalachnikova qui était à la fois pôle en cuissard hyper sexy et un peu sur votre rôle de mère justement et comment vous deviez gérer ces deux aspects de votre vie. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que déjà dans ton burlesque, dans tes quelques petites échappées du côté de la pole, c'est déjà autre chose que, entre guillemets, juste on se met à poil pour faire rêver ou pour faire bander les gens. T'as déjà une profondeur et une variété dans ton répertoire. En fait, c'est venu, je dirais, il y a 6 ans. J'ai fait une grosse dépression. Suite à des choses vraiment trash de la vie, un deuil et des choses comme ça. Et quand je suis un peu sortie de ma dépression, c'était plus possible pour moi de feindre. Je pouvais plus jouer à la pin-up. Je pouvais plus faire croire que j'étais juste cute et machin. En fait, j'avais envie de dire aux gens, mais j'ai des choses à dire. Et donc, j'ai d'abord commencé à faire des numéros plus engagés politiquement. Notamment sur des slams ou des choses comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais en tant que personne, je ne sais pas comment on définit mon corps, mais en tout cas, un corps non normé, très souvent, on m'a dit que j'étais vulgaire. Même dans le burlesque. En fait, quand une nana, on va dire curvy, s'effeuille, c'est vulgaire. Et si on fait la même chose quand on est skinny, c'est classe et glamour. Et donc, à un moment, de m'entendre dire souvent que j'étais vulgaire, que je devrais quand même faire autre chose avec mon corps, je me suis dit, bah, en fait, je vais me vautrer dedans. Et c'est comme ça qu'est né l'ortolan, en fait. Ah, vous voulez que je sois vulgaire? Qu'est-ce qui est plus vulgaire? Maïté qui bouffe de l'ortolan, avec tout ce que représente en plus Maïté de l'extrême droite et machin, ou moi en cuissarde, choisissez. Et voilà, et je pense que ouais, mon burlesque, il s'est vraiment transformé avec le temps. Super. Eh ben super. Écoute, je te propose un deuxième petit interlude musical avant d'attaquer la dernière partie de cette émission qui est déjà très riche. Qu'est-ce qu'on s'écoute avant de passer à la troisième? Est-ce qu'on s'écoute du Rock Voisine, du Maïté, du MC Solar? Merde, non, Que de je vous jure que choix! parfois j'écoute de la musique d'intellectuel de gauche. Ah Qu'est-ce qu'on s'écoute? Je ne sais pas pourquoi, comme ça me vient, musique d'intellectuel de gauche. Goran Bregovic, Le temps des gitans et des lésies. Ah oui, là je vois. Eh bien, on vous laisse, on vous retrouve juste après ça. J'adore cette chanson. Mais je ferai jamais rien dessus parce que c'est trop chargé. Ah oui. Je coupe le grand final pour qu'on ait quand même encore un petit peu de temps d'interview. Merci de nous donner aussi des références de gauche intellectuelle. Non, en fait, j'adore cette musique et ce film. Et ça fait partie des musiques que j'adore où je les écoute et je me dis « Ah, je ferais trop un acte dessus !» Et puis tu fais « Ne va pas par là !» Ne va pas par là. Il y a une chanson comme ça... qui s'appelle Lola R, chantée par, j'ai oublié, bref, elle a une voix superbe. Et c'est en fait, à la base, c'est une chanson de Gainsbourg, sauf que, c'est Marianne Faithfull, donc une voix très grave, il y a un côté un peu reggae, et à un moment, je m'étais dit, je veux faire un numéro là-dessus, et puis en discutant notamment avec les copains de la Baraga King, je me suis dit, on va pas aller par là. Mm-hmm. C'est casse-gueule. Mm-hmm. Écoute la chanson chez toi, ne le dis à personne. Dis que c'est parce que Marianne Faithfull vraiment a une voix incroyable. Et que, voilà. Et fait autre chose sur scène, oui. Je comprends très bien. Et ben pour terminer un petit peu, après on en a même déjà pas mal parlé, mais ça fait pas mal d'années que tu fais ce métier, enfin ces métiers, ces nombreux métiers. Comment est-ce que tu trouves, comment est-ce que tu vis un peu la routine qui peut s'installer de saison en saison, ou au contraire le chaos permanent que peut être une vie d'intermittente du spectacle et organisatrice de show et MC et tant d'autres choses en même temps. Comment tu gères tout ça? C'est pas toujours facile. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter tout. Parce que le manque de temps, parce que l'impression de jamais faire assez bien. L'impression d'apprendre, de me remettre en question, de chercher des informations, mais comme si c'était jamais assez. Et où en même temps, la société, elle avance tellement vite, ben, comme tu disais, les réseaux sociaux, que j'avais l'impression que j'étais jamais assez compétente. Et du coup, comme en plus j'ai un peu un trouble de l'attention et des choses comme ça, l'impression d'être tout le temps dépassée. Et de courir après le temps. Donc plusieurs fois, j'ai eu envie d'arrêter. Mais à chaque fois que j'ai eu cette envie-là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un sassy et où l'ambiance était super. Et où je me dis, ben, en fait, c'est ça qui donne du sens à tout le reste. C'est ce moment-là. Moi, j'ai pas l'ambition de bâtir un empire et de devenir une machine de guerre de la production... Même si j'avais l'ambition, je crois que je n'ai pas ces compétences-là. Moi, ce qui m'intéresse, vraiment, ça va faire fucking hippie, mais c'est les moments avec les gens. C'est quand je fais venir Zany Lalune de Lyon, que je ne connais pas, et il se passe un truc super chouette. C'est Champagne Mademoiselle qui vient et qui me dit hey, « vas-y, on fait un duo ». Et puis tout d'un coup, ben on improvise à moitié hein, le duo, parce qu'elle arrive de Strasbourg, et il se passe un truc. C'est Evita qui perd son compagnon, et on fait un hommage où tout le monde est en léopard. Et c'est magique, parce que dans le public, les gens qui nous suivent étaient en léopard aussi. Et tu te dis, ouais, en fait, on a un truc. On a un truc, et on a un truc qui ne correspond sûrement pas... à plein de standards de production, de comment ça doit être, mais en fait, on a un truc qui est nous, c'est ce truc un peu humain, un peu casse-gueule parfois, mais voilà. Mais c'est sûr qu'il y a des moments difficiles. Moi, j'ai plein de moments de doute. C'est sûr qu'il y a des moments où je me sens plus organisatrice que artiste, et ça me manque. J'ai vu récemment des posts de gens qui arrêtent la scène et où parfois je suis là genre ah ouais moi aussi je voudrais faire un sassy et puis je fais un drop de mic et je dis j'arrête, je suis fatiguée, mais je suis pas encore là, mais je pense qu'un jour hein, j'aurai une maison au bord de la plage avec un hamac hein. Mais c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, mais en attendant cette année le sassy fête son 10e anniversaire. Ouais. Et les 40 ans de la patronne, si j'ai bien suivi les premières pubs sur Instagram, oui, c'est ça, au moment d'enregistrer. Ça va être quelque chose. Ben, ouais, on a d'abord le 27 septembre, on a le bal des débutantes confirmées qui sont mes élèves et leurs parraines. Ça va être au Magic et c'est très cool. Et puis le 4 et 5 octobre, bon, ben, c'est la rentrée du sassy. Et le 4, il se trouve que c'est mes 40 ans. Donc, voilà. Oh, waouh! Ouais. Et c'est la vraie date, en fait, de création du sassy. C'est les 10 ans, puisque ça s'est créé le premier week-end d'octobre. Il y a 10 ans. Et donc, tu as créé le sassy le jour de tes 30 ans. C'est pas fait du tout exprès. C'est incroyable, quand même. En fait, ça s'est mis comme ça dans les dates, ouais. Plus ou moins à deux jours près. En tout cas, ça s'est mis le premier week-end d'octobre. Et du coup, il se trouve que ben, moi, je suis née à ce moment-là. Donc voilà, c'est toujours un peu... ça fait longtemps que je ne fête plus mon anniversaire hors du boulot. cette année, je vais le faire quand même pour les 40 ans. Donc on a ça. Et puis après, on a un truc de dingue. C'est que Le 16 novembre, on fête les 10 ans du SACI au 140. Waouh! Ouais, au théâtre 140. C'est une grosse soirée, on est 13 sur scène. Il y a de la voltige, il y a des coupes de champagne avec des personnes dedans. ça va être vraiment fou. Et l'idée, c'est qu'on fait le spectacle au 140. Et puis, on fait une after party à Los Amuales pour fêter quand même à la maison. C'est un gros projet. C'est la première fois aussi que le SACI a un peu de financement pour faire bien les choses. Et donc, où on va, tous les artistes qui nous ont fait confiance, qui parfois ont fait aussi des concessions sur un peu leur cachet, parce que c'était nous, cette fois-ci, on peut un peu valoriser tout ça. Donc, c'est un gros truc qui me fout les boules à fond et qui, en même temps, m'excite de ouf. Et que j'ai envie qu'il y ait plein de gens parce que la salle, elle est immense et je suis là et je me réveille parfois alors que je suis en vacances, genre j'ai une idée, on va faire un tableau, tout le monde rentre comme ça. Donc je me prends un peu pour Pinaba, où je mets ça, c'est un peu mon fantasme de la vie. Je comprends très bien. Eh ben super, a priori cet épisode est diffusé début octobre, donc il vous restera un mois pour prendre vos tickets. S'il en reste, si tout n'est pas déjà parti pour le 13 novembre, c'est ça, le 16 novembre au 140. Avant de se quitter, j'ai des petites questions rituelles de saison 2 que j'ai un petit peu reskinées. On en a un peu parlé tout au long de cet épisode, mais Lily, sans le cabaret, tu serais devenue quoi? Tu serais devenue qui? Je serais anthropologue et j'aurais fait une thèse sur les rites de séduction au Brésil. J'aurais eu plusieurs terrains d'études, le Brésil, le Sénégal et la Belgique. Ah ouais, c'est très précis. Voilà. D'accord, parce que c'est une première formation que tu as. Tu es anthropologue de formation? Pas du tout. Non, mais c'est un fantasme. J'adore l'anthropologie et un peu malgré moi, j'ai quand même un peu étudié, j'aime pas dire ça, mais bref, apprivoisé ça, les modes de séduction, et je rêve de faire une thèse. Mais en tant que personne dyslexique, j'ai jamais cru capable de faire des études universitaires. Donc ça restera, Mais si quelqu'un veut que je fasse une thèse et est d'accord de relire mon orthographe, je pense que ça peut le faire. Formidable. c'est aussi de circonstances, mais si tu as tout le budget du monde pour faire un show, tu fais quoi? Je fais quoi? Ah, je fais un espèce de show aquatique. J'adore. Oui, j'ai un truc avec l'eau, les liquides et machin. Du coup, je veux bien qu'il y ait un moment des gens qui sortent comme ça avec des fontaines. Et alors, je veux bien aussi venir du ciel, un peu comme Whoopi Goldberg dans Sister Act. Et surtout, je prends du temps pour faire des répétitions et payer les gens pour les répétitions. Ah, vraiment. C'est bien. Donc vraiment faire une résidence de création comme on peut le faire en théâtre ou en danse. Et vraiment genre se dire, OK, on a 2 mois, 3 mois ou des étapes et on crée un vrai truc et les gens sont rémunérés. C'est pas parce qu'en fait, quand il n'y a pas de rémunération, les gens sont obligés de bosser à côté et donc on ne peut pas avoir la même exigence de temps. On doit négocier... Et c'est OK. Et là, si tu peux rémunérer les gens, t'es l'agent. Je te veux de 9 heures, parce que pas trop tôt quand même. C'est des bons 9-17 bien rémunérés. Oui. Pour un show aquatique avec une arrivée en hélicoptère. J'adore. Un truc comme ça. J'adore. Est-ce que vous parlez beaucoup, ton corps et toi? Ouais. Parfois, on se dispute beaucoup aussi. On s'est beaucoup disputé. J'ai eu énormément de conflits avec mon corps. Je pense que je souffre, comme plein de gens, de grossophobie internée. Je me suis rendu compte, par exemple, il n'y a pas longtemps, que dans mes rêves, quand je m'imaginais élégante, tout d'un coup, je devenais grande et mince. Ah ouais. Moi, je viens aussi d'une génération hyper problématique sur ces questions-là. Toutes les filles qui avaient mon corps... Déjà, il n'y en avait pas beaucoup dans les séries ou quoi, mais elles étaient moquées ou alors elles étaient la copine rigolote, quoi. Et je pense d'ailleurs que la grossophobie est une des discriminations qui a le plus de difficultés à disparaître et à être travaillée et déconstruite et tout ça. Donc oui, on s'est beaucoup disputé, on s'est aussi beaucoup, beaucoup aimé. Mon corps, c'est mon outil de travail. J'ai appris qu'il avait des limites et que je ne suis pas sûre que je pourrais passer au-dessus. Puis mon corps, il a quand même donné la vie à mon fils. C'était pas le truc le plus fun de ma vie, l'accouchement, la grossesse. Mais par contre, je suis très fière d'être maman, même s'il y a des moments où c'est difficile. Je ne parlerai pas de regrets, mais de difficultés. Voilà, et puis mon corps, il me permet de danser, de jouir, d'aimer. Du coup, ouais, on se parle beaucoup. Plutôt freaks ou plutôt merveilles, Lélimir et moi ? Je dirais que je suis une merveilleuse freaks. La réponse tellement bateau. je dirais... Mais on accepte, hein ? Non, je dirais un peu des deux, en fait. Je crois que j'ai vraiment... Deux personnalités. Je peux avoir un côté très freaks et puis un côté très Bridgerton de la vie, quoi. Parfait, ça m'a l'air d'être un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Lily, d'être passée pour ouvrir cette saison. Longue vie au Sassy, longue vie au cabaret, puis longue vie à toi, longue vie artistique à toi. Je te souhaite une maison au bord de la mer avec un hamac, mais dans un peu de temps, comme oui, ça, on peut te garder un petit peu avec nous à Bruxelles pour encore nous émerveiller. À bientôt. Merci beaucoup, c'était tout doux. Ah, super. Et voilà, Freaks et Merveilles, c'est fini pour aujourd'hui. Nous serons de retour dans 2 semaines pour un épisode qui mettra l'humour queer à l'honneur. Mais je n'en dis pas plus. En attendant, il y a plein d'épisodes à écouter ou redécouvrir sur les plateformes de podcast habituelles. N'hésitez d'ailleurs pas à recommander l'émission et y mettre plein de cœurs et d'étoiles pour qu'il soit mieux recensé et plus populaire encore. Et si l'envie et le cœur vous en dit, l'émission est sur Patreon. L'occasion de me donner un petit peu de soutien financier dans cette entreprise largement bénévole. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas d'aller voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Elle est propulsée par Murmure ASBL et diffusée sur Radio Panique. Merci à Hello.